sera l'amour qui a oublié toute souffrance la journée. Les ouais soleil levé, tous oiseaux qui a chanté, les wamba cocotier, les lambeilles à tout préau, tout ça nous qu'a menté. Les Antilles pays nous, même si nous loin, pour nous pas jamais oublier. Protéger l'amour, protéger famille.